Consommateurs froids consomment plus et s'usent davantage. Certains alors le font chauffer sur place, pensant réduire du même coup l'usure et la consommation. Erreur. Le moteur chauffe moins vite, de façon moins homogène, et surtout, le carburant utilisé ne sert absolument pas à avancer. Il est préférable de circuler dès la mise en marche du moteur, en accélérant peu et en passant les vitesses rapidement. Le moteur chauffe plus vite et il n'y a pas de gaspillage. Réponse B et D.